Outrecuidance. Quand après une première année de vie commune, je demande à Jean-Paul « Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances ?» et qu'il me répond « Les vacances ? Pourquoi faire ?» Je change de couleur et m'interroge sur mes motivations profondes. En clair, qu'est-ce que je suis venu fiche dans cette galère ? Certains conditionnements sont lourds. On pourrait croire que je fais toujours partie de ces terriens qui travaillent pendant 11 mois uniquement dans l'attente du 12e, celui des vacances. Paradoxalement, pourquoi est-ce que je me sens obligée de m'agiter 24 heures sur 24 entre mes murs pour compenser le fait que je ne rapporte pas d'argent à la maison? Quelque chose me dit qu'il vaut mieux que je prenne le large si je veux me reposer vraiment. Comment faire pour garder à la fois certains avantages de la planète consommation et la vie de sobriété dont nous rêvons? Comment demeurer cohérent? Éviter les tentations sans virer psychorigide austère, conserver notre ligne de conduite en restant épicurien. Épicurien ? Les hivers sont longs dans les Alpes. Dès que les beaux jours arrivent, j'ai des fourmis dans les jambes. Le compte à rebours commence très tôt. Je n'ai pas beaucoup de temps pour me remplir d'assez de chaleur afin de pouvoir supporter l'hiver suivant. Je sais que je serai prête dès que l'évocation d'un pot-au-feu ou de gaufres bien chaudes me feront saliver. Personnellement, je ne vois pas l'inconvénient à faire des incursions sur la planète des autres et je renonce moins facilement que Jean-Paul à mes habitudes. La fourclaz, ce n'est pas toute ma vie. Habiter une carte postale permanente ne me suffit pas. Je prétends que de lorgner de temps à autre du côté des marchands du temple et des plaisirs futiles ne m'en rendra le retour à nos vraies valeurs que plus attrayant. Nos aventures seront parfois édifiantes. En tout cas, elles nous feront prendre la mesure des mondes antagonistes dans lesquels nous évoluons, tout en motivant les remises en question. Par ailleurs, j'aime aussi relever ce défi qui consiste à trouver le moyen de réaliser ses envies alors que tout s'y oppose. Refuser la privation de liberté imposée par un manque de liquidité, entreprendre quand même et judicieusement. Ainsi, nous serons aperçus promenant un bébé piaillant et en pleine forme sur les quais du lac majeur, dès 5 heures du matin. Un peu plus tard, j'aurai la surprise de voir Jean-Paul verser une larme, la première depuis la naissance de son fils, devant un tableau de William Turner au musée des Beaux-Arts de Lugano. Cette virée au Tessin, notre toute première escapade, sera l'un de nos plus beaux voyages de noces. C'est le 22 avril 1997 que notre fiston fait ses premiers pas. Désormais, nos deux enfants marchent, et nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de cette voiture qui nous coûte beaucoup trop cher. Tout ce que nous ne dépenserons pas en essence, services et taxes sera désormais dédié à nos loisirs enfin rendus possibles. Que voilà une belle perspective. Sommes-nous le jouet de nos contradictions? Sitôt que nous avons fixé la date de la séparation, une sorte de petit démon nous prend et nous nous mettons à arpenter furieusement les cantons de Vaud et de Fribourg en long, en large et en travers. Au bout du rouleau, notre catalyseur fait un bruit d'enfer, ce qui nous fait rire et dire « On nous entend de loin, mais c'est la dernière fois ». C'est donc en train et à pied que nous nous rendons au camping d'Yverdon-les-Bains pour une petite semaine de vacances. Une tente 4 places, 2 énormes matelas gonflables et lourds, avec leurs pompes, le matériel annexe, les couches culottes, tout ça dans un caddie et 2 sacs à dos. À côté, une poussette canne et 2 bébés, dont l'un sur les épaules de son père et l'autre avec moi. Le lac de Neuchâtel, au niveau de la plage d'Yverdon-les-Bains, n'est pas profond du tout. C'est l'idéal pour des petits qui passent leur journée dans l'eau. Jean-Paul en sait quelque chose. Il y a passé la majeure partie de ses vacances d'enfant. Il est tout heureux de me le faire découvrir. Pour ma part, je n'avais plus fait de camping depuis l'été de mes 16 ans. L'expérience promet d'être intéressante avec nos 2 bouts de chou et un mari qui ne doute de rien. Une fois la tente montée, nous explorons les environs pour nous mettre en appétit. Nous avons beaucoup de plaisir à imaginer le repas en arpentant les rayons de la petite épicerie du camping. Cuisiner sur le minuscule réchaud à gaz, faire la vaisselle à l'eau froide, sous l'auvent prévu à cet effet, est très amusant aussi, sans jouer les prolongations. À l'heure de la toilette, nous nous retrouvons tous les 4 pour une grande douche familiale. Et c'est la fête! L'après-midi, pendant que les petits trempent, Jean-Paul, alors en pleine réflexion sur les icônes qu'il prévoit d'étudier à la rentrée, taille un tesson érodé. Il grave dessus les lettres IC, XC, Jésus Christus, qui est la prière la plus courte qui soit. Il le dora à la feuille avant de me l'offrir pour mon anniversaire. L'aventure hiverdonoise a failli mal se terminer pourtant. Nous sommes en train de démonter la tente. Thomas, futur batteur, donne le rythme depuis sa poussette pendant que Jean-Paul et moi nous activons dans tous les sens. Je vérifie ce que Charlotte fait. Disparue. Choc. Cauchemar. Horreur. Épouvante. Paralysée, tétanisée, pendant que Jeannot court partout en appelant la petite, j'ai des semelles de plomb mais scrute autour de moi en forçant sur mes yeux comme si je pouvais la matérialiser du seul fait de ma volonté. Elle n'est nulle part. Je repousse la folie en feignant d'ignorer la situation, gagner du temps à tout prix. Je refuse de l'imaginer noyée ou enlevée par un sadique, violée, coupée en morceaux, cachée dans le coffre d'une voiture. Je chasse ces images de toutes mes forces. L'épreuve dure près de 3 quarts d'heure. Enfin je la vois, tout au bout du chemin, qui s'avance entre 2 garçons d'une 10aine d'années. Je me précipite sur elle et toute la tension accumulée ressort en une puissante gifle que je lui assène avant de la prendre dans mes bras pour la consoler et lui dire combien elle m'a fait peur. Ces 2 chevaliers servants m'expliquent alors qu'elle est entrée dans leur caravane, les voyant manger, pour leur demander un petit morceau de brioche. Ils l'ont nourrie et me la ramènent avant que je m'inquiète. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la non-gestion de mes émotions. Nous vivons depuis 3 ans à la Forclaz quand l'occasion se présente d'un voyage à Londres. Nous sommes un peu ébahis de constater à quel point les choses se mettent en place facilement dès que nous souhaitons réaliser un vœu. La maman de Jean-Paul nous offre les billets d'avion. EasyJet n'existe pas encore. Les autres grands-parents prennent les enfants en charge. Un logement nous est proposé gratuitement sur place. À Genève Cointrin, j'ai un peu peur. Je pense que le prix qu'on attache à sa vie n'est pas le même selon qu'on ait des enfants ou non. Mais Jean-Paul sait les mots qui rassurent et je retrouve le plaisir de voyager. Un londonien le qualifiera de gentleman et il aura bien raison. Pendant une bonne 10aine de jours, nous allons baigner à fond dans le monde consumériste, ses avantages et ses inconvénients. Sécurité mise en place dans le métro contre les pickpockets et les terroristes, nous sommes à la fin des années 90. Surtout, ne pas laisser un sac ou un paquet sans surveillance et s'éloigner de tout colis suspect. Nous avions vraiment totalement perdu le contact avec ce monde-là. Pour les 2 braves ploucs naïfs que nous sommes, has-been et nos futurs, comme je nous appelle, tout droit descendus de leur montagne, cela vous a indubitablement un petit parfum de science-fiction. Comme Obélix, je ne me lasse pas de regarder ce peuple étrange sous le nez. Il est si exotique. Ces rosebifs sont tellement sur leur compte à soi que c'en est fascinant. Nous visitons tous les musées, bien sûr, dont la Clore Gallery et la National Gallery, puisque nous sommes venus pour ça, mais aussi le grand magasin Liberty, Harrods et Fortnum & Mason. Nous rentrons chez nous chargés d'une tonne de gadgets qui ont au moins 1 année d'avance sur ce que propose le continent et ravis de retrouver notre progéniture. L'année suivante, je loue au camping d'hiver dans les mains où nous retournons un joli petit bungalow que j'avais repéré la fois précédente. Ce sont des huttes hawaïennes, intelligemment conçues. Plus besoin de s'encombrer de tout le barda. Avec notre petit bout d'homme de 4 ans et demi et notre mouflette de 6 ans, nous nous en donnons à cœur joie. Non seulement à la plage, mais aussi dans toutes les autres activités. Ils collaborent volontiers et marchent sans rechigner sur des distances intéressantes. Nous sommes déjà descendus 2 fois à pied depuis la Forclaz jusqu'à Aigle avec eux, presque 16 bornes, et ils en ont redemandé. Cette fois-ci, nous avons investi dans un abonnement de vacances qui met toute la Suisse, train, bateau, funiculaire, à notre portée pour une somme raisonnable, pendant un mois entier. Nous en usons et abusons. Entre 2 baignades, nous prenons le bateau sur le lac de Neuchâtel. Thomas obtient même du capitaine qui lui laisse la barre un instant, et nous explorons les musées des environs, comme celui de l'Auberçon, dédié aux boîtes à musique, que nous allons voir en prenant le train pour Sainte-Croix, puis en marchant sur 4 kilomètres. Depuis la gare, en remontant la rue de France, nous passons devant une maison de conte de fées. Un vrai petit château avec un grand parc et des arbres superbes. Jean-Paul me glisse à l'oreille. « Faut pas se moquer des riches, on sait jamais ce qui peut vous arriver. » Pendant que je grimpe en râlant, cette pente trop raide, sous un soleil agressif, me sentant devenir écarlate comme chaque fois que je fais un peu de sport. « Allez, on s'encourage tout son cœur. Mon pantalon est décousu, et si ça continue, on verra le trou de mans. Mon pantalon est décousu, et si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. » Enfin, nous arrivons au mont des cerfs. Nous entrons dans la forêt. De l'ombre, vite, et trouvons un banc pour pique-niquer. La vue sur le village de l'Auberçon est superbe. Au-delà, c'est la Grande Borne, plus loin, la France. Tout ceci, nous l'apprécierons à nouveau, ultérieurement. Demain, nous rentrons chez nous, à la Forclaz, dépaysés, gonflés à bloc. Je suis prête, l'hiver peut arriver.